Le 28 mars, Kim Sung-yong, directeur du département numéro 2 de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu avec les diplomates des pays membres de l'Union européenne en Corée pour informer de la situation critique créée dans la péninsule coréenne. Il a dit que les États-Unis ont introduit beaucoup de biens stratégiques et livrent les exercices militaires conjoints Kiel Resolve et Aigle d'envergure jamais connue avec les fantoches sud-coréens visant l'élimination de la direction et l'occupation de Pyongyang. Il a expliqué la situation de la péninsule coréenne au seuil de la guerre et les mesures autodéfensives coréennes face à ces situations. Il a ajouté que le temps est passé où une partie imposait quelque chose à son adversaire et que la Corée a la volonté et la capacité pour répondre parfaitement à toute forme de guerre des États-Unis. Les diplomates européens ont exprimé leur inquiétude profonde à l'aggravation de la situation de la péninsule coréenne et souhaité la détente à travers la négociation.